segreta per mia. Ce jour me rend ensemble, et ma maîtresse, et mon ami, il unira d'une chaîne éternelle nos familles et nos états. Tel Dieu propice, après tant de débats, a pu former une union si belle que ce Dieu.